La princesse de Cambridge attend patiemment en affichant son sourire aussi éclatant que légendaire. Oh, mais voilà que rentre de la chambre le prince William. Le prince est vêtu comme le veut la tradition pour la saillie de la couronne. Il porte une chemise en lin fendu sur le devant pour laisser passer son outil aussi volumineux que princier. Oh, mais par Saint Maclou, ça va commencer. Le prince se couche sur la princesse. Les photographes du palais de Buckingham y portalisent la pose. Attention. Oh, mais c'est parti. Oh, le prince n'est pas du genre à attendre, il ne perd pas de temps, il est déjà en plein galop. Un galop soutenu et viril qui n'a pas l'air d'émouvoir la princesse qui baille en attendant la ligne d'arrivée. Le prince à présent se cabre tel un étalon furieux, on y est presque. Oui, ça y est, il vient de prononcer la phrase de rigueur en fin d'accouplement, le fameux « Ah, God save the Queen, give me some pudding ». Je m'explique, elle veut démocratiser le droit d'accès à la procréation médicalement assistée pour tous. Ce qui signifie elle veut que les Gouines aient des bébés Gouinons. Non mais où va le monde? Moi, pour être à l'heure ici aujourd'hui, je suis parti samedi soir. Je me suis fait doubler par un pigeon qui n'avait plus qu'une aile. Ceci à cause d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui mène un combat acharné contre la voiture. Alors, elle a commencé par piétoniser les quais de Seine, ce qui permet en semaine à 15h à quatre chômeurs en fin de droit de regarder le fleuve charrié de vieilles bouteilles de flotte, tandis que des rats dévorent une mouette morte dans un caddie rouillé. Elle a transformé Paris en film des frères Dardenne. On organise les JO. Oh, le truc le plus corrompu de la planète après la Coupe du Monde de foot. Ah, oh, un siècle qu'on attendait ça. Oh, bah, on nous a toujours dit, les caisses sont vides, mais on s'en tape, on les retourne et hop, ça fait des podiums pas chers. Hier soir, d'un coup, c'était l'entente cordiale entre Hidalgo et Pécresse. Elles ont fait la fête. Il paraît qu'elles ont fini la soirée en faisant du hula hoop avec les anneaux olympiques. Hidalgo était bourrée. Elle a dit à Pécresse, hey, c'est bien la première fois que je te vois à la fête de Lima. C'est de l'humour de socialiste bourré, vous pouvez pas comprendre. Je trouve pas que cette mise en scène est un petit peu indécente. Sa mère était la couche, à l'éponge nous frottâmes le corps de Jupiter. En repensant au drame, si dans un 5 étoiles je m'étais détendu, la presse en embuscade m'aurait bien descendu. Monsieur le Président, la prochaine fois que vous allez visiter une usine, vous allez donc visser des boulons? Je visserai le jour, je visserai la nuit. Des boulons de toute taille, des grands et des petits. J'y mettrai tout mon corps, j'y mettrai toute ma tête. Et s'il le faut, j'irai conduire le transpalette. Monsieur le Président, Monsieur le Président, on vous reproche de ne pas vous être préparé suffisamment à cette crise. J'avoue, je le confesse, l'ouragan fut malin, il m'a rempli les yeux de son perlimpinpin. En ce mardi 12 septembre, journée mondiale et nationale de mobilisation, qui c'est qui se mobilise pas? Nous. Persuadé qu'on se soulèverait et tout, que ce serait la folie, j'ai appelé Nagui, j'ai dit, alors on fait quoi demain par rapport au code du travail? Il me fait, code du travail. Mais être payé à rien foutre, alors est-ce que c'est pas, je pose la question également, la définition d'un actionnaire? Non, moi je pense pas, l'argent il est obligé de travailler, on a tous de l'argent qui travaille, on a tous des comptes en banque, on a tous des placements. Je pense que c'est pas ça, non. Oui, mais un actionnaire, il travaille pas vraiment, c'est son argent qui travaille du coup. Hein. Ouais, bah ouais, mais bon, cet argent, il l'a bien acquis quelque part, sa famille ou quelqu'un a travaillé avant pour l'obtenir cet argent. Ah, d'accord. Donc c'est pas un feignant parce que ses parents ont travaillé. Donc voilà, d'accord, ça n'a rien à voir. Je comprends la logique. Fils de pauvre égale branleur stérile. Fils de riche, masturbateur fécond. Hein, ça n'a rien à voir. Retenez bien ça. C'est Léa qui vous a tiré du lit. Et pourquoi? Pour commencer votre journée en serrant la main à Dominique Seux. Si ça, c'est pas pour vous donner envie d'en découdre. Cet après-midi, je vois pas ce qu'il faut faire. Dominique Seux avec nous. Voilà. Sachez que ça peut se prononcer iPhone 10, ça peut se prononcer iPhone X, mais ça peut aussi se prononcer combien? Alors, donc, mais si l'iPhone 10 est si génial, bah dans ce cas, pourquoi acheter l'iPhone 8? Eh bien moi, je vais vous répondre, j'ai posé la même question ce matin à un dirigeant d'Apple, et voici ce qu'il m'a répondu, je vous traduis dans la foulée. Yeah, well fuck you. Fuck France and fuck the world, motherfucker. L'iPhone 8 et l'iPhone 10 sont quand même très différents. Motherfucker, and shut the fuck up. You're fucking ginger, that's your problem. Je m'explique. Devant la beauté de mon nouveau téléphone, j'hésite à l'utiliser pour ne pas l'user. Je le regarde briller, admiratif. À ce prix-là, oui. Bah oui, quand d'un seul coup, ça sonne. Une sonnerie plutôt classe, hein, qui allait bien avec le côté chic de mon appareil à 1329 boules. Ah oui.